Que ton âme se confond dans mon esprit et retire le vice de notre corps. Que tes lèvres rejettent les impuretés de mon sang et bouleversent les effets.